rencontrer. Je ne savais rien de toi, là où tu habitais. Les gens serrés autour de toi, et rien ne supposait qu'un temps tu vivrais avec moi, qu'un jour tu partirais, et que je descendrais si bas. Des jours ont passé, sans que tu ne sois avec moi. Des nuits à t'aimer, à ne voir la vie qu'à travers toi. Et le charme s'envolait lorsque je te savais loin de moi. Quand le soir m'endormait en rêvant d'autres dans tes bras. Mais toi, que penserais-tu si je m'éloignais de toi? Sans te préciser pourquoi, que ferais-tu si je m'en allais comme ça, sans même m'occuper de toi? Quand je t'ai retrouvé, tu étais revenu vers moi, rien ne t'avait changé. Sans toi, mais le mal était fait de ne pas avoir cru en toi. Cette idée m'obsédait. Comment me garder avec toi quand le voile est tombé? Tu as voulu fuir loin de moi, le charme s'est brisé. Tu en les cris pleurer vers toi et tout avait changé. Crime que tu ne pardonneras de n'avoir su garder la confiance qui était en toi. Mais toi, que penses-tu quand je m'éloigne de toi, sans te préciser pourquoi? Et que fais-tu quand je m'en vais là-bas, sans même m'occuper de toi? Que penserais-tu si je m'éloignais de toi? Sans te préciser pourquoi, que ferais-tu si je m'en allais comme ça, sans même m'occuper de toi, sans même m'occuper de toi, sans même m'occuper de toi, sans même m'occuper de toi.